Un peu plus haut que la rue Montmartre, un embarras de voiture lui fit tourner la tête. Et de l'autre côté, en face, il lut sur une plaque de marbre « Jacques Arnoux ». Comment n'avait-il pas songé à elle plus tôt? La faute venait de Deslauriers, et il s'avança vers la boutique. Il n'entra pas, cependant. Il attendit qu'elle parut. Les hautes glaces transparentes offraient au regard, dans une disposition habile, des statuettes, des dessins, des gravures, des catalogues, des numéros de l'art industriel, et les prix de l'abonnement étaient répétés sur la porte, que décoraient à son milieu les initiales de l'éditeur. On apercevait, contre les murs, de grands tableaux dont le vernis brillait, puis dans le fond, deux bahuts chargés de porcelaine, de bronze, de curiosités alléchantes. Un petit escalier les séparait, fermé dans le haut par une portière de moquette, et un lustre en vieux saxe, un tapis vert sur le plancher, avec une table en marqueterie, donnait à cet intérieur plutôt l'apparence d'un salon que d'une boutique. Frédéric faisait semblant d'examiner les dessins. Après des hésitations infinies, il entra. Un employé souleva la portière et répondit que monsieur ne serait pas, entre guillemets, au magasin avant 5 heures. Mais si la commission pouvait se transmettre... Non, je reviendrai, répliqua doucement Frédéric. Les jours suivants furent employés à se chercher un logement. Il se décida pour une chambre au second étage dans un hôtel garni rue Sainte-Hyacinthe. En portant sous son bras un buvard tout neuf, il se rendit à l'ouverture des cours. 300 jeunes gens, nu-tête, emplissaient un amphithéâtre où un vieillard en robe rouge dissertait d'une voix monotone. Des plumes grinçaient sur le papier. Il se retrouvait dans cette salle avec l'odeur poussiéreuse des classes, une chair de forme pareille, le même ennui. Pendant 15 jours, il y retourna. Mais on n'était pas encore à l'article 3 qu'il avait lâché le code civil et il abandonna les instituts à la summa divisio personarum. Les joies qu'il s'était promises n'arrivaient pas. Et quand il eut épuisé un cabinet de lecture, parcouru la collection du Louvre et plusieurs fois de suite été au spectacle, il tomba dans un désœuvrement sans fond. 1000 choses nouvelles ajoutaient à sa tristesse. Il fallait compter son linge et subir le concierge, rustre à tournure d'infirmier, qui venait le matin retaper son lit, en sentant l'alcool et en grommelant. Son appartement, orné d'une pendule d'albâtre, lui déplaisait. Les cloisons étaient minces. Il entendait les étudiants faire du punch, rire, chanter.